Cinéphage, l'émission du son et des images. Bonjour et bienvenue dans ce Cinéphage numéro 238. Content de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Cinéphage après cette période estivale. Et on commencera avec un spécial Une place pour Pierrot, le film émouvant de la réalisatrice et actrice Hélène Médigre. Nous allons donc vous faire découvrir tous les coulisses de ce film grâce à l'interview de la réalisatrice et de l'une de ses actrices principales, la comédienne chevronnée Marie Gillin, organisée bien sûr par notre partenaire, les cinémas CGR Centre de Tours, à l'occasion de la projection du film en Touraine. On notera la complicité du duo d'actrices lors de cette rencontre pour nous parler du sujet du film qui est l'autisme, mais aussi d'autres sujets en parallèle évoqués dans un film plein d'espoir malgré la complexité de ce sujet. À noter aussi un excellent casting, même on pourrait dire de luxe, avec entre autres un excellent Grégory Gadebois dans le rôle principal, un personnage attachant, mais aussi Patrick Mill, Vincent Elbaz, Atman Khelif, Martine Labarthe et bien d'autres. Cette émission sera donc organisée autour de cette rencontre avec la réalisatrice et actrice du film Hélène Médigre, qui joue elle-même donc le rôle de Nina, et de Marie Gillin, excellente dans son rôle de Camille, cette mère célibataire et sœur de Pierrot, jouée par Grégory Gadebois. Nous allons donc vous proposer de commencer tout de suite par la première partie de l'interview à présent. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir la réalisatrice du film Une place pour Pierrot, donc Hélène Médigre, bonjour. Bonjour. Et puis Marie Gillin, qui est une des actrices, même l'actrice principale, on peut dire, sans déflorer le film, puisqu'il y a aussi Grégory Gadebois, qui est le personnage central. Eh bien, comment vous est venue l'idée de ce film? Je sais que vous avez fait un petit court-métrage avant sur le thème, que vous êtes aussi très partie prenante du sujet. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'idée de ce long-métrage? Alors, ce long-métrage, il est né vraiment en lien avec ma rencontre avec Christophe Rossignon de Nord-Ouest Film, qui avait vu mon long-métrage documentaire en salle et qui avait beaucoup aimé le film et qui m'a proposé de travailler avec lui. Il m'a demandé si j'avais envie de refaire de la fiction. Enfin, de refaire. J'avais fait un moyen métrage de fiction seulement. Et voilà. Et j'avoue qu'il m'a beaucoup invité à réfléchir à un sujet autour des thématiques qui me constituent. Parce que j'avais pas très envie, en fait, j'avais pas très envie d'aller vers cette. Prendre ce chemin-là. Et puis. Après avoir réfléchi, j'ai eu très envie de tenter de créer un récit autour du retour d'une personne différente, d'un retour à la vie d'une personne différente, mais principalement en lien avec le personnage qu'interprète Marie Gillin. Donc traiter la thématique à la fois des aidants, mais s'ajouter à ça aussi un sujet qui constitue le lien avec tous les personnages, c'est autour de la famille qu'on se choisit, et surtout la quête de ces personnages de transformer quelque chose de leur chemin de vie. Voilà. Oui, en effet, on peut voir que c'est pas toujours évident. Le regard des autres aussi, parce qu'on peut le voir dans certaines scènes, hein, sans parler, les gens le découvriront, mais il y a le regard de la famille, des amis, oui, et de monsieur et madame tout le monde. Oui, absolument. Et surtout, et c'est pour ça que je ne voulais pas enfermer le rôle de Grégory Gadebois autour de l'autisme, ni le film, parce qu'au final, c'est totalement universel, à la fois les situations comme le traverse le personnage de Pierrot, c'est-à-dire de vivre dans un foyer médicalisé absolument pas adapté et surtout en subissant une surmédication, ce qui est un état, hélas, que de très nombreuses personnes traversent et dans des domaines très différents. Et puis aussi parce que la différence raconte chacun d'entre nous. Donc ça, pour moi, c'est aussi le fil rouge. À la fois du lien de Pierrot avec sa sœur, mais aussi avec les autres personnages qui vont participer à une promesse d'un nouveau chemin de vie. Ouais. Justement, on arrive au sujet du choix des acteurs. Comment il est arrivé? Est-ce que c'est un casting déjà dans vos têtes, vous avez une idée de, des personnes qui pourraient interpréter les rôles, ou c'est un casting traditionnel? Non, j'ai coécrit le film avec Stéphane Cabel, hein, je tiens à le préciser, avec qui j'ai adoré travailler. Et je n'ai pas écrit en, en m'enfermant avec l'image d'un acteur en particulier. Grégory Gadebois était pour moi le seul acteur à pouvoir endosser ce rôle et à lui donner cette force, cette dimension poétique, de part d'enfance, de faire ce travail organique. Et Marie est une actrice que j'aime follement depuis toujours et elle était ma Camille de façon totalement évidente. Et puis c'est ajouté à ça un très joli lien entre Grégory et Marie parce qu'ils avaient déjà tourné ensemble. Enfin voilà, tout a été, en ce qui concerne ces deux acteurs principaux, très, très fluide. Et les autres acteurs, bon, je pense à Patrick Wyss, parce que quand on regarde le casting, c'est impressionnant. En préparant cette émission, je regardais les films de chacun, j'en ai vu pas mal, mais je dis, ah oui, c'est vrai que derrière, c'est vraiment impressionnant. Mmh. Bah, écoutez, je vais laisser la parole à Marie, mais effectivement, j'ai voulu recréer une famille, celle qu'on choisit. Alors à travers ce trio, Vincent Elbaz, Mathilde Labarthe qui joue cette jeune adolescente, et puis ce personnage de Gino qui était très précieux, qui a très vite existé hein, au début des premières versions du scénario, et qui est le seul personnage libre en fait de cette distribution. C'est le seul qui est à sa place, qui s'est trouvé, qui s'est accepté. Voilà, il va chercher ses légumes à 2 heures de Paris, et il a ce lieu qui est une unité de lieu dans lequel les personnages reviennent, ce restaurant italien. Qui est une belle métaphore en fait aussi de ce que ce personnage va véhiculer, parce qu'au final c'est le fil rouge aussi pour offrir une promesse et une liberté, une nouvelle liberté au personnage. Et puis des personnages, justement, on parlait de là, il n'y a pas de racisme, puisqu'il y a Atman Khalif qui joue le commis de cuisine, Gino qui fait un peu italien. Ouais. Donc, on a un petit peu cette France multiculturelle, on peut dire, et qui affronte les mêmes problèmes du quotidien. Absolument, ouais. Et Atman, qui est très cher à mon cœur. Et c'est vrai qu'avec tous ces acteurs, moi j'ai une histoire, parce que j'étais au conservatoire avec Atman, en classe libre chez Florent avec Patrick Mille. Et puis Marie a plein d'histoires aussi. Non, moi j'adore t'écouter parler. Eh bien, petite pause musicale avec Julien Clerc, le fameux morceau « Ce n'est rien » qui fait partie de la bande originale d'Une place pour Pierrot et qui est vraiment le leitmotiv de ce film. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. C'est bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coulent, c'est très bien, et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne, tire d'elle en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient comme un bateau qui revient, et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin qui résonnent, c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. joie sur ton chemin qui résonne et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra tire d'aile en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Extrait numéro 2. Justement, on va demander à Marie comment elle est arrivée sur ce film et puis son ressenti. Puis les acteurs, on en a parlé un petit peu. Il y avait déjà des gens qui étaient un petit peu connus. Vous aviez déjà joué ensemble. Et là, ce film, comment vous êtes arrivé sur le projet? Le scénario m'a été envoyé. Donc, par Christophe Rossignon, qui est donc le producteur de ce film, que j'aime beaucoup. Donc déjà, ça m'a donné envie, parce que j'aime beaucoup les films qu'il produit. Ensuite, je ne connaissais pas Hélène, mais j'avais entendu parler de Grégory, donc dans le rôle de Pierrot, ce qui me donnait très envie aussi. Et je n'ai pas hésité une seconde, parce que c'est le scénario, enfin le film est... Un film, c'est un film, mais il est quand même assez fidèle au scénario dans le sens où il y avait déjà beaucoup d'émotions dans le scénario et il y avait comment dire ? C'est une émotion, mais une émotion qui est souvent retenue, où on est sur un fil. Donc, le spectateur doit... Voilà, il y a un rythme dans le film où on rentre dans cette histoire. Très vite, on est complètement happé par la relation de ce frère et de cette sœur. Donc, le lien, il se fait très très vite. Et à partir du moment où ce lien est tissé, on est complètement emporté. Donc moi, j'ai été bouleversée par aussi le personnage de Camille, parce que c'est un personnage qui est très combatif, qui est loin d'être une aidante parfaite, parce qu'elle a des failles, elle a des débordements, et donc elle a des réactions qui sont très intéressantes pour une actrice, très complexe à jouer. Puis après, la famille, Patrick Mille, Vincent Elbaz, je veux dire, voilà, tout était là. Oui, puis ça reste pas un pathos, comme on pourrait dire. Il y a des moments d'explosion, des moments de colère de tous les personnages. Bon, il y a Gino qui est un peu plus cool, on pourrait dire, mais le reste des personnages, oui, ils ont des moments de faille. Et c'est pas aussi évident, on le voit bien, la relation mère-fille, par exemple. Même si elle adore son tonton, on voit que c'est dur à gérer parfois. Mais c'est vraiment le personnage de Mathilde Labarthe, donc qui joue ma fille dans le film. C'est vraiment le personnage qui rappelle un peu à l'ordre les adultes dans cette histoire, qui exprime le fait que c'est une adolescente, que l'adolescence est une période où il faut particulièrement... Il ne faut pas être trop loin. Alors les adolescents aimeraient qu'on soit très loin en tant que parents. Mais elle se sent un peu abandonnée dans un moment de sa vie qui est important pour elle. Et puis sa mère ne lui demande pas vraiment son avis hein, quand elle décide d'héberger Pierrot chez elle. Puis elle vit avec sa fille, elles vivent toutes les deux. Donc elles étaient dans un petit cocon toutes les deux. L'oncle arrive. Donc elle va pousser Camille dans ses retranchements et puis elle va lui faire prendre conscience que Camille a donné tellement de place à son frère qu'il n'y a plus vraiment de place pour personne d'autre. Donc c'est un personnage qui est déclencheur de tout ça. Et ce qui est joli aussi dans ce personnage, c'est qu'elle est... Parce que ça aussi, c'est universel. Elle adore son oncle, elle a ce lien à la musique très très puissant avec lui. Mais elle est aussi, bien évidemment, parfois submergée par la peur, parce que c'est pas facile de vivre le quotidien parfois avec cette différence. Qu'elle ne peut pas vivre sa vie d'adolescente, elle n'ose plus inviter d'amis. Enfin voilà, elle est dans cette contradiction. Et je crois que c'est quelque chose que de nombreux adolescents. Et puis elle prend beaucoup sur elle. Et je crois que ça raconte bien cette période de vie. Oui, parce que l'adolescence, c'est un moment assez compliqué et dans la vie de chacun. On l'a tous vécu. Et là, on voit bien que elle essaye de garder pour elle jusqu'à cette explosion, un peu comme sa mère aussi. Ouais. On voit les limites aussi de chacun. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Je parle beaucoup de la place de chacun, en fait, dans le film. De la place qu'ils vont soit s'octroyer ou... ouais, c'est une place pour Pierrot, c'est une place pour chacun de nous. C'est vraiment ce que j'ai voulu en filigrane toujours véhiculer. Et je rebondissais sur le rapport mère-fille et puis frère-sœur. Camille est la petite sœur au départ, donc elle a été obligée d'endosser le rôle de la grande sœur. On n'a pas beaucoup d'infos sur leurs parents, mais on comprend que Camille a pris en charge le frère depuis longtemps. Et malgré tout l'amour qu'elle a pour lui et toute la personnalité extrêmement riche qu'il a et sa présence qui est super à ses côtés, c'est quand même la différence. Elle est confrontée à cette question d'un manque d'autonomie aussi et de dépendance. Et donc elle s'est comportée avec lui comme une mère pourrait se comporter avec un enfant, sans vraiment pouvoir couper le cordon ombilical d'une certaine façon. Et le film, c'est aussi un apprentissage tant qu'on n'est pas profondément rassuré de savoir que la personne qu'on chérit le plus va être au bon endroit, accompagnée des bonnes personnes, c'est très difficile de couper le cordon. C'est un peu comme un rapport parent-enfant, finalement, je trouve. Et puis, on comprend bien ça par le début du film. On voit bien que la médecine en France, c'est pas encore ça. On surmédicalise les gens, on les assomme. Et on voit la progression, d'ailleurs, du héros dans le film. À partir du moment qu'il a moins de médicaments, il reprend une vie normale petit à petit. Et on voit cette contradiction très bien avec l'ancien médecin traitant, le médecin de famille qui est très humain, le docteur qui les reçoit, je ne sais pas si c'est un docteur ou le directeur qui est vraiment horrible, qui la première chose c'est on va envoyer la police. C'est un peu dur. Oui, parce qu'en fait, à partir du moment où ces foyers médicalisés sont financés par l'État, donc ça rigole pas. Donc et encore une fois, cette surmédication, parce qu'il ne s'agit pas, j'ai envie de mettre des nuances, d'être contre la chimie. La chimie, elle est parfois nécessaire. Ce qui est désolant, très souvent, c'est de ne pas s'attacher au processus, plutôt que d'être immédiatement dans un résultat. Hop, cette personne-là, elle va vivre à tel endroit, avec 50 personnes, et au final, on ne va jamais savoir exactement qui elle est, et on ne va pas développer ses potentiels. On va nulle part, on va dans le mur, comme ça. Et donc oui, effectivement, c'est pas un film politique. Je pense que le spectateur le ressentira. Je suis jamais dans le jugement, mais c'est vrai que la fiction est très puissante. Et quand le personnage de Camille, qu'interprète Marie, fait ce hold-up dans ce foyer médicalisé, je crois que de nombreux spectateurs vont penser à leur père, à leur mère. Je pense qu'ils vont même applaudir. À nouveau, une petite pause musicale avec Diane Krall qui va nous faire le morceau Fly Me to the Moon. Et donc ce morceau, on l'entend chanter différemment par une des interprètes du film, et donc vous verrez, c'est pas la même version, mais ça se rapproche. Stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my life with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Extrait numéro 3. Et justement, on peut voir dans la deuxième partie du film que si on adapte les choses, c'est ça aussi le que j'ai trouvé génial, c'est ce passage de quelque chose de plus humain à quelque chose de standardisé. On commence à quelque chose de standardisé, on met quelqu'un dans une boîte, sachant que les autismes aussi, il y a plusieurs autismes. Ça veut rien dire. Voilà, c'est que, comme le diabète, comme, voilà, chacun a sa spécificité. On a mis un mot parce qu'on aime bien mettre des mots sur une chose. Oui. Aujourd'hui, en 2025, on sait vraiment que le terme d'autisme. Il n'y a pas de représentation objective de l'autisme. Sachant qu'en plus. C'est tellement nuancé, cette, entre guillemets, cette pathologie, parce que c'est pas une maladie, mais malgré tout, ces troubles, voilà, c'est tellement, comment dirais-je, il y a des points communs dans tout ce qui peut relier les personnes atteintes d'autisme ou de troubles du neurodéveloppement, c'est la sensorialité, la plus souvent, ou d'aide verbale, non verbale, mais... ça relie aussi des troubles psychiatriques parfois beaucoup plus importants, comme la schizophrénie, alors que ça n'en est pas. Ça a généré beaucoup de confusion pendant trop d'années. Et c'est pour ça que je voulais pas du tout enfermer ce personnage avec Grégory Gadebois autour d'une représentation de l'autisme. Ce serait pour moi même une erreur. Et puis, c'est pas une caricature. Pour comparer, ce qui n'est pas forcément comparable, Rain Man, par exemple, moi je trouvais que c'était vraiment trop une caricature. C'est le petit génie. Alors il en existe, et puis une fois encore, c'est une fiction, et c'est un très beau film. Oui. Mais il se trouve que notre société a évolué, alors parfois pas toujours avec du sens. Je ne sais plus quel philosophe disait que notre conscience est à la traîne de la science. Et c'est quelque chose, moi, qui m'habite quotidiennement. C'est-à-dire que la technologie, c'est formidable, évidemment, et j'en profite aussi. Mais au final, notre conscience, elle disparaît. Alors, à la fois dans le lien, c'est pour ça que le lien compte tellement pour moi dans ce film. Et puis, retrouver, encore une fois, retrouver le processus, en fait, de tout ce qu'on peut inventer, pour des personnes fragiles ou pour des personnes qui éprouvent des limites. On va passer à un sujet beaucoup plus gai, entre guillemets, la musique. Il y a un grand lien avec la musique. Et comment s'est fait le choix des musiques ? Alors, la chanson de Julien Clerc, ce n'est rien. C'est vraiment... Je voulais une chanson qui rassemble, qui soit vraiment un conscient collectif. Qui ne connaît pas cette chanson ? Même la très jeune génération. Et j'aime ce contraste de cette mélodie extrêmement jouée et de cette métaphore... on traverse tous l'ombre et la lumière, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tout passe, c'est l'impermanence. Et je trouve que c'est une des plus belles chansons autour de cette sensation qu'on traverse tous. Mais effectivement, c'est une phrase qu'on répète beaucoup à des personnes fragiles. Tout passe. Voilà. Et puis tout est possible à recommencer aussi. Ouais. Parce que c'est vrai que dans l'histoire, il y a eu, des chemins qui ont été pris, des erreurs qui ont été faites, mais c'est pas grave en fait. Il y a quand même un autre chemin qui est possible. L'espoir est là et on va transformer. Oui. Et pareil, c'est un lien. On en parlait tout à l'heure. Grégory Gadebois, grâce à la musique, communique beaucoup avec sa nièce. Ouais, c'est ce lien. Et ça, c'est quelque chose auquel je tenais énormément, qui participe aussi à la poésie de ce personnage et à la beauté de ce lien, puisque les personnes fragiles, très souvent, sont à l'endroit de leur vérité, jamais en posture et jamais dans la dissimulation. Et avec une adolescente ou une enfant, le lien est d'autant plus puissant. Et j'aimais beaucoup qu'il y ait ce lien musical. Et puis au final, c'est le personnage d'Emma qui va... donner envie à Pierrot de se relever et de prendre confiance dans le fait peut-être de se séparer de sa sœur pendant un temps. Et une question qui me tardait, c'est le centre où il va travailler, est-ce que c'est un véritable centre ou c'est un centre qui a été créé ? Ah non, c'est vraiment un décor. Avec mon co-scénariste, on voulait on avait envie d'un décor très onirique. Pas tout à fait réaliste hein, d'ailleurs, hein, parce qu'on trouve rarement du maraîchage au pied d'une falaise avec ce vent. On a plus des vaches en général. Et d'ailleurs, on a fait un gros boulot parce qu'on avait vraiment beaucoup de vaches, donc il a fallu créer un peu d'espace. Mais voilà, mes producteurs m'ont accompagné, m'ont suivi dans cette folie, entre guillemets, de recréer un décor d'agroécologie au pied de la falaise avec de la vraie terre, des couches en lasagne, des vrais légumes. Et ça s'apparentait aussi à ce lieu dirigé par deux personnes qu'interprètent Marianne Bassler et François Vincentelli, qui sont elles-mêmes très fragiles, qui sont un endroit de leur parcours de vie un peu brisé. Lui, il sort d'un burn-out, elle se cherche encore. Et cette rencontre, le timing est parfait parce qu'ils sont tous les deux dans ce désir commun de retrouver du sens. Et ils retrouvent du sens en accompagnant des personnes différentes et en se reliant à la terre. Oui, en plus, ce qui est intéressant, on parlait de la surmédicalisation. Là, on revient plutôt à la terre, des choses beaucoup plus traditionnelles. Ah oui, on a même une symbolique un peu primaire. C'est qu'on n'a pas forcément besoin d'intrants chimiques aujourd'hui, surtout aujourd'hui, puisque nos sols sont morts. Donc, hélas, c'est à bout de souffle. Ça ne fonctionne plus, ce modèle. Donc, autant cesser et trouver d'autres techniques qui existent, de la même manière que la surmédication... sur une personne fragile, c'est pas forcément la solution. Voilà. Évidemment, tout ça est sans être trop comment dirais-je caricatural, sans stabilo-bossé. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est dans ton ADN. Ouais, bien sûr. Et moi, je me suis vraiment posé la question. Donc, pour moi, je dis tiens, c'est bien fait. Je pensais que c'était éventuellement plus les personnes qui jouent, les acteurs sont vraiment. C'était vraiment excellent. Mm. Voilà, ce lieu n'existe pas. C'est beau le cinéma. Mais ce qui donne aussi une véracité à toutes ces scènes, c'est aussi que Hélène a travaillé avec des artistes autistes qui, en fait, ont créé vraiment le groupe des résidents dans la ferme. Et ça, je trouve, moi, comme j'étais pas là quand ils ont tourné ces scènes, je les ai vraiment découvertes comme une spectatrice. Et je trouve que ça fonctionne génialement, en fait, de voir le personnage de Grégory de Pierrot qui est immergé dans un groupe. Ça aurait pu ne pas fonctionner. C'est un risque énorme. Ouais. Oui, puis on voit bien les réactions entre eux. Chacun a ses habitudes, ses moments de colère. Ils ont tous une place et ils ont fait un vrai travail d'interprète. En fait, moi, je suis hyper fière de ça. Voilà. Ils n'ont pas été utilisés pour ce qu'ils sont, non. Ils ont vraiment fait un travail, un personnage. Enfin, on avait mis un dispositif en place avant de tourner pour que qu'une immersion leur permette vraiment de se relier aux situations, d'appréhender l'équipe technique. Mais voilà, c'est beau de les voir travailler. C'est des grands acteurs en plus. Ils ont la meilleure écoute du monde. C'est pas comme les enfants, paraît-il, qui sont très difficiles à diriger. Donc, ça dépend. Parce que les adultes, on dit que c'est des grands enfants des fois, donc. Non, c'est vrai que c'est très crédible. Mais l'écoute pour un acteur, c'est la base. Et je vous assure que les artistes autistes dans mon film, ils ont une écoute, mais extraordinaire. Ce qui donne un super résultat. Et maintenant, petite pause musicale avec un autre film qui traitait de l'autisme et qui est devenu un classique, le fameux Rain Man, donc avec la bande originale qui est signé quand même Monsieur Hans Zimmer. Termine par l'extrait numéro 4. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes particuliers sur ce film? Parce que des fois, c'est des problèmes financiers, ça c'est souvent, c'est dur. Mais est-ce que vous avez rencontré, avec le temps, enfin, des petites anecdotes qui, soit Marie, soit vous, qui vous rappellent être réalisateur, réalisatrice, ce n'est que gérer des problèmes, finalement. Trouver des solutions. C'est vrai, non? Exactement. Oui, non, je peux vous dire, voilà, j'ai commencé à écrire ce film en septembre 2021. On est en septembre 2025. Et pourtant, on me dit que ça a été rapide. Un an d'écriture, un an de financement et de casting, plus un an préparé, tourné, et 6 mois de post-production. Mais oui, je pense que faire un film, c'est... Il paraît qu'en permaculture, on dit le problème, c'est la solution. Mais effectivement, c'est transformer une succession de contraintes. Mais c'est joyeux aussi. Mais... Oui, parce qu'on a un résultat concret à la fin. Mais il ne faut rien lâcher. Est-ce que vous avez une anecdote du film qui vous a bien fait rigoler, l'une ou l'autre? Voire les deux. Rigoler, qu'est-ce qui m'a fait rigoler? Atman. Oui, mais c'est Atman Khelif qui joue le bras droit de Patrick Mill dans le restaurant, au départ, avait vraiment une participation, et il en a fait quelque chose de... On avait envie de le voir plus. En fait, il a fait absolument partie de l'équipe. Et oui, moi, il y a Non, c'est pas... C'est un moment que j'adore dans ce film. C'est quand... donc le personnage d'Atman apprend à Pierrot à éplucher des pommes de terre et les mettre dans une casserole. C'est une vraie scène. Hein, qui est écrite. Oui, donc c'est pas une anecdote de tournage, mais il y a un moment où Pierrot doit lancer la patate dans la casserole d'eau, et c'est un moment magique. C'est extrêmement drôle, c'est charmant, c'est touchant. Et on est complètement avec lui, en fait. On comprend pourquoi c'est un challenge de lancer cette pomme de terre dans cette casserole. Mais sinon, on a quand même beaucoup ri dans l'ensemble. Hein. On a beaucoup travaillé, mais on a beaucoup ri. Comme dirait Grégory, on était bien, on était en famille. Ouais. J'aime bien dire ça. Ouais. Si vous vouliez inciter les gens à venir, quel serait votre slogan, entre guillemets? Bah, le slogan, je vous l'ai déjà dit, c'est une place pour Pierrot, c'est une place pour chacun de nous. Voilà. En fait, c'est vrai que le vœu que j'ai envie de formuler, c'est que mon film rassemble. Je crois que c'est un film solaire aussi, qui est profond et drôle, avec des acteurs exceptionnels. Je ne sais pas si mon film est réussi, mais sincèrement, je suis convaincue que mes acteurs sont tous exceptionnels. Et oui, j'ai l'espoir que cette histoire... permettent aux spectateurs de revisiter quelque chose de très intime, peut-être, de leurs propres expériences. Et vous, Marie? Hélène a dit beaucoup de choses importantes. Je trouve que c'est un film qui, au-delà de sa qualité de film, vous prend par la main, vous raconte cette histoire... et vous faire rentrer dans cette famille, vous faire rentrer dans ce dilemme, et vous transforme aussi en tant que spectateur. On a fait beaucoup de débats avec les spectateurs, et j'ai l'impression que les spectateurs sont transformés à la fin du film. Ils reprennent de l'espoir, ils ont l'impression de ne plus être si seuls, et cette question des aidants, je crois qu'on est tous plus ou moins aidants de quelqu'un, ou quelqu'un est notre aidant. Ce film peut vraiment emmener dans des... Je trouve que c'est un film qui fait du bien, mais pas dans le sens basique du terme, parce que bon, oui, le cinéma est là pour divertir aussi et pour faire du bien, mais ça fait du bien parce que on est à la fois dans une transformation intime, on est dans un rapport d'amour inconditionnel, de tendresse, on est aussi dans des émotions qui sont pas toujours évidentes à saisir, dans des conflits intérieurs, mais en tout cas ça va vers la lumière. Et justement, l'accueil pour l'instant, je sais pas, l'avant-première de Tours, elle est dans les dernières, je pense. Ouais, puisque vous sortez 3-4 villes. L'accueil, pour l'instant, bah, c'est les meilleurs moments de la promotion du film. Enfin, j'ai fait beaucoup de dates avec Marie, j'en ai fait celle aussi, une avec Grégory. Et j'avoue que c'est ces rendez-vous qui sont le plus précieux et qui me donnent confiance. Parce que sinon, évidemment, je doute. Oui, quand on arrive à la fin du film et qu'il y a ce silence, qui n'est pas un silence d'ennui, qui est un silence après un voyage d'émotion, en fait. C'est très, très émouvant. Et ce qui est très émouvant aussi, et qui nous a d'ailleurs surpris, c'est à quel point les gens... Enfin, il y a beaucoup de gens qui... évidemment viennent remercier aussi Hélène d'avoir fait ce film, parce que nous on est les interprètes, mais qui ont besoin presque de nous prendre dans leurs bras. Toi aussi, parce que toi tu viens de présenter. Oui, parce que moi je suis un peu le reflet de peut-être ceux qui traversent, et ça, il n'y a rien de plus beau en fait. On se dit qu'on sert à quelque chose, que le cinéma ça reste une fenêtre sur le monde, et que grâce aux réalisateurs qui écrivent des films comme ça, qui les font, eh bien, il y a encore de l'espoir en l'humain, quoi. Et maintenant, nous allons passer au coup de cœur vidéo. Alors, c'est les films que j'ai choisis, c'est des films qui concernent l'autisme pour les coups de cœur rétro et coups de cœur vidéo. Eh bien, dans le coup de cœur vidéo, j'ai choisi T'en fais pas, je suis là, un film français de Pierre Isoard de 2020, où on retrouve Jonathan Rivière, joué par Samuel Le Bihan, qui est une star du barreau que l'on s'arrache. Il est aussi le père absent d'un enfant de 12 ans. Dès la naissance du petit Gabriel, Jonathan a compris que la vie de famille n'était pas son truc. Avec Sophie, la maman, l'arrangement était simple. Elle s'occupe de Gabriel et lui paye pour qu'il ne manque de rien. Mais un jour, le diagnostic tombe, Gabriel est autiste. Quand Sophie est victime d'une rupture d'anévrisme, Jonathan va se retrouver brutalement parachuté dans la vie de Gabriel. Une vie d'habitude et de rituel dont il ne connaît absolument rien et qui lui paraît vite incompatible avec la sienne. Donc, un film qui, je pense, pourrait faire un complément du film d'aujourd'hui, Une place pour Pierrot. Et on retrouve ce thème et des similitudes, mais aussi des différences. Mon deuxième coup de cœur rétro, eh bien, on en a parlé juste avant par cette pause musicale, puisque c'était Rain Man, donc une comédie dramatique américaine de 1988, réalisée par Barry Levinson. Donc, à la mort de son père, avec laquelle il était fâché depuis plusieurs années, Charles Babbitt, joué par Tom Cruise, apprend que celui-ci a légué tous ses biens à l'Institut pour handicapés où est soigné Raymond, son frère autiste, joué par Dustin Hoffman, dont il ignorait jusque-là l'existence. Se trouvant dans une mauvaise passe financière, Charlie décide alors de réclamer la tutelle de Raymond et de disposer ainsi de l'héritage. Mais ce qui au départ n'était qu'une affaire d'argent va se terminer beaucoup plus sympathiquement, et puis on va aussi évoquer le problème de l'autisme. Maintenant, nous allons passer au coup de cœur news. Alors là, on part dans un autre thème, hein, parce que on est dans Cinéphage quand même. Donc là, c'est plus du tout le thème de l'autisme, puisqu'il aura fallu 23 ans, comme vous avez pu le voir, pour attendre la suite du film culte de Danny Boyle 28 jours plus tard. Mais le réalisateur est bien décidé à sortir sa nouvelle trilogie dans un laps de temps beaucoup plus resserré. Alors que 28 ans plus tard est sorti dans nos salles le 18 juin dernier, le second volet intitulé 28 ans plus tard, le Temple des Morts, est annoncé dans nos salles obscures pour le 14 janvier prochain. Le Temple des Morts est mis en scène par Nina DaCosta, qu'on a pu voir dans Candyman, toujours écrit par Alex Garland et produit aussi par, bien sûr, Danny Boyle. Ce film sera donc centré sur les événements qui se déroulent sur le continent, ainsi que sur l'histoire de Dr. Kelson et de son temple de crâne, qu'on avait pu voir dans le premier épisode, comme l'indique le titre. L'affrontement entre le médecin et l'infecté Alpha devrait être également l'un des points centraux de l'intrigue. Le troisième et dernier volet de la trilogie sera mis en scène par Danny Boyle lui-même, et devrait revoir Cillian Murphy, le héros de 28 jours plus tard, reprendre son rôle de Jim. Et maintenant, nous allons passer aux avant-premières qui auront lieu en Touraine. Alors, bien sûr, on commence par nos partenaires, les CGR Centres. Alors, vous allez voir un programme très fourni, hein, que ce soit par les studios ou par les CGR Centres de Tours. Puisqu'au CGR Centre de Tours, on commencera par une rétrospective Damien Chazelle, qui sera du mercredi 3 septembre au mardi 30 septembre, avec La La Land dans la semaine du 19, First Man dans la semaine du 17-08, et Babylone dans la semaine du 24-09. Un premier ciné-débat, Le Vivant qui se défend, sera le jeudi 11 septembre à 2025 à 19h30. Ensuite, pour les fans de manga, il y aura Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, La Forteresse Infinie, et ça, ça sera le dimanche 14 septembre à 18h. Une soirée culte, puisque c'est aussi une des marques des CGR Tour Centre, avec le fameux Cercle des Poètes Disparus, ça sera le mercredi 17 septembre à 19h30, un film absolument à voir, avec un Robin Williams éblouissant. Et puis, il y aura un autre ciné-débat, I Am the Future, le jeudi 18 septembre 2025 à 19h30. Un autre ciné-débat, Sam fait plus rire, ça c'est le mardi 23 septembre à 19h30. Et puis, pour les fans de Harry Potter, un marathon Harry Potter du samedi 27 septembre à 10h50 au dimanche 28 septembre à 20h15. Coup d'envoi donc le samedi à 10h50 avec À l'école des sorciers, suivi ensuite de La chambre des secrets à 14h, Le prisonnier d'Azkaban donc sera 17h15 et La coupe de feu à 20h30. À noter que tous les films sont en version originale sous-titrée française. Maintenant, on va passer au dimanche et il y aura donc L'Ordre du Phénix à 10h50, Le Prince de Sang-Mêlé à 14h, Les Reliques de la Mort partie 1 à 17h15 et Les Reliques de la Mort partie 2 à 20h30. Bien sûr, vous pouvez assister à l'intégrale ou y aller que le samedi ou voir que des films que vous n'avez pas vus éventuellement. Mais bon, pour les fans d'Harry Potter, je pense que c'est un moment assez sympathique. En plus, sur un week-end, hein, c'est plus sympa de partager au cinéma que d'être tout seul à regarder devant sa télé les 8 films. Donc voilà, on vous invite à y aller. Et puis les studios ne sont pas en reste puisqu'ils nous proposent un bon programme avec Classe Moyenne, donc un film le jeudi 11 septembre 19h45 avec une rencontre avec le réalisateur Anthony Cordier. Et un autre film, ça sera après Oui, et ça c'est le dimanche 14 septembre à 15h15 et une rencontre avec le réalisateur Nava Lapide. Ensuite, une rétrospective de la rentrée qui sera celle de Greg Araki le 17 septembre avec les films Totally Fuck Up de 1992, The Doom Generation de 1995 et Nowhere de 1997. Et puis, le festival à Tour de Bulle va avoir lieu aussi au studio. Et à cette occasion, deux films seront présentés. Alors, le film parodique avec Val Kilmer, Omar Sharif, entre autres, signé des As, hein, Zucker, Abraham Zucker. Donc, un film d'espionnage parodique. Donc, c'est Top Secret, le vendredi 19 à 19h30. Et pour tout public, après, on a le film d'animation Wallace et Gromit, Le Mystère du Lapin-Garou. Et ça, ça sera le dimanche 21 à 14h. Donc, dans le cadre du festival à Tour de Bulle. Ensuite, eh bien, pour les fans de cinéma que vous êtes, eh bien, la journée européenne du patrimoine sera le samedi 20 et il y a une possibilité de visite des cabines de projection en 5 créneaux, donc à 10h, 10h30, 11h, 11h30 et 12h, par groupe de 20 personnes maximum, une réservation conseillée. Donc vous appelez les studios et ils vous diront la marche à suivre. Il y a la possibilité aussi de visiter la bibliothèque des studios avec une visite commentée à 10h, 10h30, 11h, 11h30 et 12h. Avec après une projection à 14h du film Les Studios, un cinéma singulier et pluriel, un documentaire qui avait été réalisé en 2023 à l'occasion des 60 ans des studios et qui dure à peu près 55 minutes. Et ce film est gratuit. Et le jeune public n'est pas oublié, pour les 3-13 ans, on a un atelier découvert des jouets optiques, les fameux ancêtres du cinéma, et pour que chacun comprenne comment les images bougent sur un grand écran, donc une découverte libre de 14h à 17h, l'accès à tout public à partir de 14h, gratuit, et il y aura aussi en parallèle la projection de Mon Oncle de Jacques Tati, qui sera au tarif en vigueur au studio par contre. Et puis pour le public jeune et moins jeune, il y aura l'animation autour du montage de cinéma avec la table de mash-up à partir de 14h30. Ça, c'est un atelier gratuit. Et la projection de deux films, Le Magicien d'Oz de Victor Fleming et Les Sorcières d'Eastwick de George Miller. Et ça, c'est au tarif en vigueur au studio. Et le dimanche 21, on finira cette journée du patrimoine par une projection en boucle du film Les Studios, un cinéma singulier pluriel, le documentaire dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça sera de 13h30 à 19h à la bibliothèque des studios. Et ça, c'est gratuit. Et pour terminer, le Ciné Relax fête ses 20 ans le 27 septembre à 14h15 avec Ma Vache et Moi, un film muet de et avec Buster Keaton qui date de 1925. Donc, on rappelle, on relaie assez souvent ici, puisque Ciné Relax, ça touche aussi les enfants handicapés. Donc, vraiment dans le thème du cinéma du jour, hein, il y a des petits autistes, des handicapés physiques, des handicapés mentaux. Il y a accès aussi au parking, mais tout ça, il suffit d'aller sur le site des studios et ils vont vous accueillir, puisque c'est quand même depuis 20 ans qu'ils ont l'habitude d'organiser. C'est vraiment des séances très chouettes organisées et qui sont ouvertes à tout public, bien sûr. Et bien sûr, pour retrouver tous les films à l'écran et leurs horaires, allez cliquer sur les sites respectifs de nos partenaires, les CGR Centres et des studios. Enfin, nous voici arrivés à la fin de ce cinéphage numéro 238, spécial Une place pour Pierrot. Un grand merci à Hélène Médig et Marie Gillin et à nos partenaires, les cinémas CGR Centres de Tours, et aussi à son équipe qui ont permis aujourd'hui de vous présenter cet événement de cinéma en Touraine sur les ondes de Radioactive. Bien sûr, vous pouvez retrouver Cinéphage sur notre page Facebook radioactivefm.fr, en podcast ou en streaming sur notre site radioactivefm.fr. Et pour les fans du petit écran, n'oubliez pas d'écouter aussi notre émission Cérivore sur Radioactive. Et enfin, devenez vous-même l'invité de l'émission. Eh bien, tout ça, c'est simple. Vous contactez Radioactive Amboise et Montlouis. Mais en attendant, continuez à dévorer films et BO sans modération. Bye bye.